Tout paradisiaque, je vis dans un univers de béton. Les jeunes sont unis vers la prison, trop souvent béton. Pour la maille, seul rêve, rouler en sous-barreau. BM, Merco, un billet direct pour sous les barreaux. Barons veulent des diams, c'est monture quartier. Alors que les condés tiennent sur leur monture quartier carté. Tricarga, c'est pas une vie, c'est un thriller. Mais thriller, ce que tu veux, il thriller, punk sur l'heure. Capacité de Tchoura, en survêt capacité. Une pouca, on te retrouvera cané, c'est vrai. Excessivement impulsif, au caractère expansif, à texte. Explosif, mais je dément, tous ne sont pas des démons, démons, démontre, dis-moi gars, dis qui ment, qui donc est démoniaque, sous aphrodisiaque, disjoncté, tout nous paraît paradisiaque. Une vie de shit où l'envie d'être toujours mort, je traque, avoir ce voile devant les yeux d'un monde paradisiaque, d'un miroir des sexes sort et millions de liftons, anéantir les moindres envies de rébellion. Une vie de shit où l'envie d'être toujours mort, je traque, avoir ce voile devant les yeux d'un monde paradisiaque. Un miroir des sexes sort, des millions de biftons, anéantir les moindres envies de rébellion. Tout paradisiaque, sous zèbre, bezette, la patra d'Isaac. Zub-zub, tout est-ce même combat, nous laisser caner. Du hall, c'est au bois cadet, fumer des calumets, cela leur foutra la paix. On se moque de tout, puis on se moque de tout. Ça élimine le dégoût, ces odeurs de goût, ce goût de révolution. Laissez-leur vendre leur parité, faut les serrer que s'il y a Conquer ou Beretta. C'est chaud mes mecs, mais je crois que Babylone ça se pense comme ça. C'est chaud mes mecs, mais je crois que la matrice est bel et bien là. Anéantir les réflexes de réflexion, faire miroiter sexor et millions de biftons. Marche droit ou casse-toi, ne pense pas, ne pose pas de questions, vas-y mec, ferme-la. Une vie de shit où l'envie d'être toujours mort, je traque. Avoir ce voile devant les yeux d'un monde paradisiaque. Faire miroiter sexor et millions de biftons. Anéantir les moindres envies de rébellion. Une vie de shit où l'envie d'être toujours mort, je traque. Avoir ce voile devant les yeux d'un monde paradisiaque. Faire miroiter sexor et millions de biftons. Anéantir les moindres envies de rébellion. Des âmes tristes, mais de guerriers. En France des guérillas, on forme des guerriers, une guérilla. Pour gémant survivre ou seulement vivre. Sans pour cela étire des fonces, des ouivres. Un chemin tracé, direct foncé. Des cartes faussées, chaussée d'être sur une bonne chaussée. Chaussure à son pied ou coup de pompe dans le cul glacé. Pas besoin de la raconter, tu le connais assez. Assez de cette villa, je veux que ma fille grandisse dans un pav, une villa. Plus de correspondance via n'importe quel banlieue ou même milieu. Je veux pas tes millions, mais d'ici vivre à mille lieues. Une vie de shit où l'envie d'être toujours mort, je traque. Avoir ce voile devant les yeux d'un monde paradisiaque.